féliciter les succès du 7e congrès du Parti du Travail de Corée, ont eu lieu une conférence à Volgograd de Russie et une exposition de livres à la province d'Enugu du Nigeria. À la cérémonie tenue en Russie, est adopté un message à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.